feuilleton de France Culture. Le Comte de Monte-Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, sixième épisode, l'abbé Faria. Je suis l'abbé Faria, prisonnier au château d'If, comme vous le savez, depuis 1811. Et pourquoi ? Parce que j'ai rêvé en 1807 le projet que Napoléon a réalisé en 1811. Parce que, comme Machiavel, au milieu de tous ces principicules qui faisaient de l'Italie un nid de petits royaumes tyranniques et faibles, j'ai voulu un seul et grand empire. Parce que j'ai cru trouver mon César Borgia dans un niais couronné qui a fait semblant de me comprendre pour mieux me trahir. C'était le projet d'Alexandre VI et de Clément VII. Il échouera toujours, puisqu'ils l'ont entrepris inutilement. Et que Napoléon, à ce que j'ai appris, n'a pu l'achever. Décidément, l'Italie est maudite. N'êtes-vous pas le prêtre que l'on croit malade ? Que l'on croit fou, voulez-vous dire ? Je n'osais. Ainsi, vous renoncez à fuir ? Je vois la fuite impossible. Mais pourquoi vous décourager ? C'est trop demander à la Providence que de vouloir réussir du premier coup. Ne pouvez-vous pas recommencer dans un autre sens ce que vous avez fait ? Savez-vous qu'il m'a fallu 4 ans pour fabriquer les outils que je possède ? Savez-vous que depuis 2 ans, je gratte et creuse une terre dure comme le granit ? Et pour en arriver où ? Dans un cachot donnant sur un chemin de ronde. Ah, je vous le dis encore, je ne ferai plus rien désormais pour reconquérir ma liberté, puisque la volonté de Dieu est qu'elle soit perdue à tout jamais. Croyez-moi, monsieur, je mesure l'étendue de votre courage, qui m'est un exemple stimulant. Ce qu'un homme de votre âge enfermé depuis bien plus longtemps que moi a pu faire, je dois le tenter. Brave jeune homme. J'ai trouvé ce que vous cherchiez. Vous ? Le corridor que vous avez percé pour venir de chez vous ici s'étend dans le même sens que la galerie extérieure, n'est-ce pas ? Oui. Il doit n'en être éloigné que d'une quinzaine de pas. Oh, tout au plus. Bon, eh bien, vers le milieu du corridor, nous perçons un chemin formant comme la branche d'une croix. Cette fois, vous prenez mieux vos mesures. Nous débouchons sur la galerie extérieure. Nous tuons la sentinelle et nous nous évadons. Il ne faut, pour que ce plan réussisse, que du courage. Vous en avez, que de la vigueur, je n'en manque pas. Je ne parle pas de la patience. Vous avez fait vos preuves et je ferai les miennes. Oh, un instant. Vous n'avez pas su de quelle espèce est mon courage et quel emploi je compte faire de ma force. Quant à la patience, je crois avoir été assez patient en recommençant chaque matin la tâche de la nuit et chaque nuit la tâche du jour. Mais écoutez-moi bien, jeune homme. C'est qu'il me semblait que je servais Dieu en délivrant une de ces créatures qui, innocente, n'avait pu être condamnée. Eh bien, la chose n'en est-elle pas au même point ? Vous êtes-vous reconnu coupable depuis que vous m'avez rencontré ? Non, mais je ne veux pas le devenir. Jusqu'ici, je croyais n'avoir affaire qu'aux choses. Voilà que vous me proposez d'avoir affaire aux hommes. J'ai pu percer un mur et détruire un escalier, mais je ne percerai pas une poitrine et ne détruirai pas une existence. Comment ? Pouvant être libre, vous seriez retenu par un semblable scrupule ? Vous-même, Pourquoi n'avez-vous pas, un soir, assommé votre geôlier avec le pied de votre escabeau, revêtu ses habits et essayé de fuir? Mais c'est que l'idée ne m'en est pas venue. C'est justement parce que vous avez une horreur instinctive pour un pareil crime que vous n'y avez même pas songé. Dans les choses simples et permises, nos appétits naturels nous avertissent que nous ne dévions pas de la ligne de notre droit. L'homme répugne au sang. Ce ne sont pas les lois sociales qui répugnent au meurtre, ce sont les lois naturelles. Oui, oui, vous dites vrai. Et puis, depuis tantôt 12 ans que je suis en prison, j'ai repassé dans mon esprit toutes les évasions célèbres. Je ne les ai vues réussir que rarement. Celles qui ont été couronnées d'un plein succès sont celles qui avaient été méditées avec soin et lentement préparées. Certes, il y a encore celles que le hasard peut offrir. Celles-là sont les meilleures. Alors, mon ami, attendons une occasion, croyez-moi. Et si cette occasion se présente, profitons-en. Vous avez pu attendre, vous. Ce long travail vous faisait une occupation de tous les instants. Et quand vous n'aviez pas votre travail pour vous distraire, vous aviez vos espérances pour vous consoler. Je ne m'occupais pas qu'à cela. Mais que faisiez-vous donc? J'écrivais ou j'étudiais. Comment, on vous donne donc du papier, des plumes et de l'encre? Non, mais je m'en fais. Comme, vous faites du papier, des plumes, de l'encre? Oui. À votre mine, je vois que vous doutez. Quand vous viendrez chez moi, je vous montrerai un ouvrage entier. Résultat des pensées, des recherches, des réflexions de toute ma vie que j'avais médité à l'ombre du Colisée, à Rome, au pied de la colonne Saint-Marc à Venise, sur les bords de l'Arno à Florence, et que je ne me doutais guère qu'un jour mes geôliers me laisseraient le loisir d'exécuter entre les quatre murs du château d'If. C'est un traité sur la possibilité d'une monarchie générale en Italie. Ce sera un grand volume in quarto. Et vous l'avez écrit? Sur 2 chemises, oui. J'ai inventé une préparation qui rend le linge lisse et uni comme le parchemin. Vous êtes donc chimiste? Un peu. J'ai connu Lavoisier et je suis lié avec Cabanis. Mais pour un pareil ouvrage, il vous a fallu faire des recherches historiques. Vous aviez donc des livres? À Rome, j'avais à peu près 5000 volumes dans ma bibliothèque. Mais j'ai découvert qu'avec 150 ouvrages bien choisis, on a tout ce qu'il est utile à un homme de savoir. Ces 150 livres, je les connais à peu près par cœur. C'est tout simple. Vous connaissez donc plusieurs langues? 5 langues vivantes, plus le grec ancien et moderne. Et vos plumes, vous les avez faites comment? Avec les cartilages des têtes de ces énormes merlans qu'on nous sert quelquefois pendant les jours maigres. Et l'encre? Ah, l'encre. Il y avait autrefois une cheminée dans mon cachot. Tout l'intérieur est tapissé de suie. Je la fais dissoudre dans la ration de vin qu'on nous donne le dimanche. Pour les notes particulières, je me pique les doigts. Et j'écris avec mon sang. Et quand donc me montrerez-vous toutes ces choses? Mais quand vous voudrez. Mais alors tout de suite, s'il vous plaît. Suivez-moi. Oui. Encore un petit effort. Et nous sommes chez moi. Allons. Voilà. Il n'est que midi un quart. Et nous avons encore quelques heures devant nous. Mais comment pouvez-vous connaître l'heure avec une telle précision? Vous n'avez pas d'horloge, que je sache. Regardez ce rayon du jour qui vient par ma fenêtre et regardez sur le mur les lignes que j'ai tracées. Grâce à ces lignes qui sont combinées avec le double mouvement de la Terre et l'ellipse qu'elle décrit autour du Soleil, je sais plus exactement l'heure que si j'avais une montre, car une montre se dérange, tandis que le Soleil et la Terre ne se dérangent jamais. Et maintenant, je vais vous montrer mes trésors. Je crois rêver, monsieur. Ces plumes à écrire, ce canif coupant comme un rasoir, ces chandelles que vous faites avec la graisse des viandes qu'on vous sert. Et surtout cet ouvrage que vous avez écrit, quelle patience, quel travail. Oh, Dieu m'a aidé, mon jeune ami. Et ce n'est pas tout. Quoi encore? Ceci. Dans cette autre cachette. Derrière mon lit. Voulez-vous m'aider? Que dites-vous de ceci? Oh, une échelle de corde. Longue de 30 pieds. 30 pieds? Mais qui vous a fourni la corde nécessaire? J'ai utilisé quelques chemises que j'avais. Et puis, les draps de mon lit que j'ai effilés pendant 3 ans de captivité à Fenestrel. Quand on m'a transporté ici, j'ai pu amener les effilés avec moi. Et puis, j'ai continué. Mais ne s'apercevait-on pas que les draps de votre lit n'avaient plus d'ourlet? Oh, je les recousais. Ah bon, avec quoi? Avec cette aiguille. Une longue arête de raie. Oh, c'est prodigieux. À quoi songez-vous, mon ami? Je pense à 2 choses. D'abord, à la somme énorme d'intelligence qu'il vous a fallu dépenser pour arriver au but où vous êtes parvenu. Oh, vous savez, il faut le malheur pour creuser certaines mines mystérieuses dans l'intelligence humaine. Ensuite, je pense que vous m'avez raconté votre vie et que vous ne connaissez pas la mienne. Votre vie est bien courte pour renfermer des événements de quelque importance. Vous ne croyez pas cela, monsieur. Elle renferme un immense malheur que je n'ai pas mérité. Ainsi, vous vous prétendez innocent du fait qu'on vous impute? Oh, complètement. Ça, je vous le jure sur les 2 seules personnes qui me sont chères, mon père et Mercedes. Donnez-moi le temps de refermer cette cachette. Et aidez-moi à remettre mon lit en place. À sa bonne place, là. Voilà. Ah. Et maintenant, je vous écoute. Racontez-moi votre histoire. Eh bien, comme je vous l'ai dit, je suis marin. Oui. J'étais second à bord du Pharaon, un navire appartenant à la compagnie Morel et Fils. Pour ce dernier voyage, nous étions commandés par le capitaine Leclerc. Et aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi je suis prisonnier au château d'If. On pourrait essayer de le deviner. Réellement ? Oui. À qui votre disparition pouvait-elle être utile ? Oh, personne, mon Dieu. J'étais si peu de choses. Tout est relatif, mon cher ami. Depuis le roi qui gêne son futur successeur jusqu'à l'employé qui gêne le surnuméraire. Vous alliez être nommé capitaine du Pharaon, n'est-ce pas ? Oui. Vous alliez épouser une belle jeune fille. Mercedes, oui. Quelqu'un avait-il intérêt à ce que vous ne devinssiez pas capitaine du Pharaon, à ce que vous n'épousiez pas Mercedes? Ma foi. Répondez d'abord à ma première question. L'ordre étant la clé de tous les problèmes. J'étais très aimé à bord. Un seul homme avait quelques motifs de m'en vouloir. Mais j'avais eu quelque temps auparavant une querelle avec lui et je lui avais proposé un duel qu'il avait refusé. Cet homme, comment se nommait-il ? Danglars. Qu'était-il à bord ? Agent comptable de la compagnie. Si vous étiez devenu capitaine, l'auriez-vous conservé dans son poste ? Non. Si la chose eût dépendu de moi. Car j'avais cru remarquer quelques infidélités dans ses comptes. Bien. Maintenant, quelqu'un a-t-il assisté à votre dernier entretien avec le capitaine Leclerc? Non, nous étions seuls. Et quelqu'un a-t-il pu entendre votre conversation? Oh. Ah oui, peut-être, oui. Car la porte de la cabine était ouverte. Et même... Attendez, oui, je... Oui. Oui, oui. Oui, je crois que Danglars est passé juste au moment où le capitaine Leclerc me remettait le paquet destiné au grand maréchal Bertrand. Bon, bon, nous sommes sur la voie. Avez-vous amené quelqu'un avec vous à terre quand vous avez relâché à l'île d'Elbe ? Non, personne. On vous a remis une lettre ? Oui, le grand maréchal. Cette lettre, qu'en avez-vous fait ? Eh bien, dès que je suis rentré à bord, je l'ai mise dans mon portefeuille. Mais avant ! Depuis Porto Ferraio jusqu'à bord du Pharaon. Je l'ai tenu à la main. Donc chacun a pu voir que vous teniez une lettre. Oui. Danglars comme les autres. Danglars comme les autres, oui. Ah. Maintenant, réunissez tous vos souvenirs. Vous rappelez-vous dans quel terme était rédigée la dénonciation ? Oh oui. Je l'ai lu et relu, et j'y ai souvent pensé depuis. Chaque mot est resté gravé dans ma mémoire. Répétez-moi cette lettre. Bien, la voici. Textuellement. Bon. Monsieur le procureur du roi est prévenu par un ami du trône et de la religion que le nommé Edmond Dantès, second du navire Le Pharaon, arrivé ce matin à Smyrne, oui. Après avoir touché à Naples et à Porto Ferraio, a été chargé par Murat d'une lettre pour l'usurpateur et par l'usurpateur d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris. On aura la preuve de son crime en l'arrêtant, car on trouvera cette lettre sur lui, ou chez son père, ou dans sa cabine, à bord du Pharaon. C'est clair comme le jour. Il faut que vous ayez le cœur bien naïf et bien bon pour n'avoir pas deviné la chose tout d'abord. Quoi, vous croyez ? Oh, ce serait infâme. Quelle était l'écriture ordinaire de Danglars ? Une belle cursive. Et celle de la lettre anonyme ? Ah, une écriture renversée. Contrefaite, n'est-ce pas ? Bien hardie pour être contrefaite. Attendez. Attendez. Regardez. Regardez ce que je viens d'écrire. Oh. Oh, c'est étonnant comme l'écriture de la lettre ressemblait à celle-ci. C'est que la dénonciation avait été écrite de la main gauche et que toutes les écritures tracées de la main gauche se ressemblent. Continuons. Ah oui, oui, oui, oui. Passons à la seconde question. En épousant Mercedes... Oui. Vous faisiez-vous des jaloux? Un, pour le moins. Ah. Oui, un jeune homme qu'il aimait, Fernand, un catalan, pêcheur de son état. Croyez-vous qu'il était capable d'écrire la lettre? Oh non. Non, Fernand m'eût donné un coup de couteau. Mais... Et puis il ignorait tous les détails consignés dans la dénonciation. Vous ne les aviez donnés à personne? Ah non, à personne. Alors c'est Danglars. Ah mais oui, ça, c'est... maintenant j'en suis sûr, oui. Danglars connaissait-il ce Fernand? Non. Ah si, je me rappelle. Quoi? La veille de mes fiançailles, je les ai vus ensemble attablés sous la tonnelle du père Pamphile. Oui. Fernand était pâle et paraissait troublé. Il y avait là aussi un voisin, un tailleur nommé Cadrousse. Oui. Il était ivre. Et attendez. Oui. Oui. Près de la table où il buvait, il y avait un encrier et du papier. Oh, les affaires. Continuons. Qui vous a interrogé? Le substitut de Marseille. Quelles furent ses manières avec vous? Douce plutôt que sévère. Lui avez-vous tout raconté? Ah oui, tout. Et ses manières ont-elles changé dans le courant de l'interrogatoire? Oui, à un moment. Lorsqu'il eut lu la lettre qui me compromettait, il parut accablé de mon malheur. Oh, êtes-vous bien sûr que c'était votre malheur qu'il plaignait? Ah oui, car il m'a donné une grande preuve de sympathie. Laquelle? Eh bien, il a brûlé la seule pièce qui pouvait me compromettre. La dénonciation? Non, la lettre que m'avait remis le capitaine Leclerc. Et il m'a dit, vous voyez, il n'existe que cette preuve-là contre vous, et je l'anéantis. Cette conduite est trop sublime pour être naturelle. Cet homme-là pourrait être un plus profond scélérat que vous ne croyez. Ah, vous me faites frissonner. À qui cette lettre était-elle adressée? À Monsieur Noirtier, rue Coq Héron, numéro 13, à Paris. Noirtier. Oui. Noirtier. J'ai connu un Noirtier à la cour de l'ancienne reine d'Étrurie. Un Noirtier qui avait été girondin sous la Révolution. Et comment s'appelait votre substitut? De Villefort. Mais pourquoi riez-vous? Ce Noirtier, pauvre aveugle que vous êtes. Savez-vous ce que c'était que ce Noirtier? C'était son père. Son père? Oui, son père, qui s'appelle Noirtier de Villefort. Son père. December 1822. Edmond, c'est moi, le 27. Vous m'entendez? Oui. Ah, si vous êtes remis des émotions que je vous ai données hier, venez me rejoindre. Entendu. C'est dimanche. Nous partagerons notre pain et notre vin. Le geôlier ne repassera que ce soir. J'arrive. Ah, mon jeune ami. Avec quelle impatience j'attendais ce moment. Oui. Car je suis fâché de vous avoir aidé dans vos recherches et de vous avoir dit ce que je vous ai dit. Et pourquoi cela? Parce que je vous ai infiltré dans le cœur un sentiment qui n'y était point. La vengeance. Depuis hier, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai compris qu'il me fallait à tout prix suivre votre exemple. Que voulez-vous dire? Qu'on ne désespère jamais quand on possède, comme vous, de la volonté et de l'intelligence. J'ai une demande à vous faire. Monsieur, apprenez-moi un peu de tout ce que vous savez. Hélas, mon enfant, la science humaine est bien bornée. Et quand je vous aurai appris les mathématiques, la physique, l'histoire et les quelques langues vivantes que je parle, vous saurez tout ce que je sais. Or, toute cette science Il me faudra 7 années. Je serai 7 ans à la verser de mon esprit dans le vôtre. 7 ans? Oui. Vous croyez que je pourrais apprendre toutes ces choses en 7 ans? Dans leur application, non. Mais dans leur principe, oui. Apprendre n'est pas savoir. Oh, peu importe. Ne suis-je pas destiné à mourir dans cette prison? Qu'avez-vous donc fait de l'espérance que vous mettiez il y a un instant dans ces deux mots, volonté et intelligence? Vous avez raison, mais... Quand commençons-nous? J'ai soif de science. Tout de suite. Et chaque jour, pendant 7 années. Février 1829. Me suis-je trompé quant à la durée de mon enseignement, mon enfant? Non, monsieur. Près de 7 années ont passé et je me sens riche de tout votre savoir. Je suis un autre homme. C'était Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 6e épisode, l'abbé Faria. Avec Edmond Dantès, Pierre Santini. L'abbé Faria, Louis Herbessier. Le cardinal Spada, Yves Pénaud. Le gouverneur, Jean-Pierre Moreux. Le geôlier, Jacques Bouvier. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 20 octobre 1980, à suivre demain à la même heure. Vous pouvez télécharger cet épisode ainsi que les précédents sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.